puis il accroche un air, puis la personne reste paralysée. C'est pas public, tu sais, le monde savent pas ça. C'est ça, mais vous autres, ça passe dans le journal. Tout le temps. Vous entendez parler. Vous devez capoter des fois. On est scruté. Ben, c'est-tu quoi, tu sais, quand Sébastien dit, la première fois, on a réussi, on aurait pu le bumper, OK? Mm-hmm. Moi, je l'avais, je conduisais le véhicule, on était où la pépinière Bourbeau. Il était dans le stationnement, j'avais perpendiculaire au genre de police. Mm-hmm. Là, j'ai dit, là, j'y rentre dedans, puis je l'avais dit vraiment côté conducteur. La première affaire qui m'est passée dans la tête, j'ai dit, si je le tue, je suis dans la merde. Voir une enquête ministérielle. Ben, vous savez, c'est quoi au Québec, hein? Ouais. Dès qu'un policier sort son fusil, pourquoi il a fait ça, puis il aurait pas dû. Mais dans notre dossier, par exemple, ça a bien été. Sérieusement, ça a bien sorti des médias. Puis, tu sais, tout était pour nous autres, là. Parce que quand on commençait à sortir les historiques de lui, du gars. Ouais, parce que c'est un gars qui avait un lot passé, là, ce gars-là. Il avait déjà fait des vols. On était appuyés, là, mon gars, par la ville de Québec, l'état-major de la police. Tu sais, des fois, on dit ici, la ville, on a le contrôle, hein. Tu sais, toi, Jérôme, tu travailles ici, tu sais que tes patrons sont en arrière de toi. Ben, nous autres, je vais te dire, là, dans cette histoire-là, là, l'aumônier est venu chez nous. Vous le sentez à Québec, ça? Hein? Vous sentez que vos boss sont l'état-major, mon gars, là. Regarde, sais-tu quoi? Thinking police. Ah ouais. C'est des polices, c'est des polices. C'est pas des gestionnaires. On a le contrôle de la ville, là. Parce qu'honnêtement, là, des fois, je regarde les policiers de Montréal, puis on se promène à Montréal, des fois, tu vois des gars du SPVM rentrer dans un commerce, puis je me dis tout le temps, Christy, que je ferais pas le job eux autres, parce qu'ils ont pas l'appui, on dirait, politique des maires qu'il y a eu dans le passé, puis tu sais, on dirait qu'il y a une mentalité, il faut que la police soit amie, hein, avec les criminels. La population de Québec, là. Je te dis, moi, j'ai des chums qui travaillent à Montréal, là, puis c'est tellement rendu négatif, leur travail, là. Ils se font envoyer des signes de la main à Montréal, par les citoyens. Nous autres, à Québec, là, je te dis, le monde, là, ils nous envoient la main, ils nous saluent. Ouais. La ville, elle rayonne ici, puis c'est grâce aux jeunes de Québec. Puis cette médaille-là, c'est tu quoi, je vais te dire, là. On la prend pour tous les patrouilleurs qui se lèvent le matin, puis on la prend pour les gens de Québec aussi. Ah oui. Puis l'état-major. Oui, parce que, regarde, on se lève la nuit. Quand que le monde dorme la nuit, là, on est là pour vous autres. Puis, tu sais, une police, là, c'est un travail. Regarde, comme Sébastien parlait à son chum une demi-heure avant l'événement, puis le gars, il dit, vous êtes bien, vous autres? Il dit, vous mangez un sous-marin, puis vous prenez un café dans le champ. Demi-heure après, c'est une situation de stress comme ça. Je te dirais, tu sais, c'est l'enfer. Une demi-heure avant. Tu sais, on est scruté, puis tu sais, avec les nouvelles commissions indépendantes, là, ils veulent nous faire des rapports tout de suite après. Okay. Je vais te dire de quoi, là? Le Jérôme, le lendemain que Sébastien dit, là, la situation de stress élevée, on était suivi par des psychologues, là. Le cerveau se met en mode défensif, là. Puis le lendemain, là, on a refait le trajet, là. Il y a des bouts qu'on se rappelait même plus quand on avait bumpé le char, parce que le cerveau, là. Fait que faire un rapport, là, immédiatement après, là, c'est sûr qu'il manque des bouts. C'est sûr que c'est impossible. La situation de stress élevée, là, c'est incroyable comment c'est indescriptible. Puis tu sais, là, je te le dis, gars, Guy Ouellet était là hier. Tu connais Guy Ouellet? Qui vous honorait. Il voulait prendre des photos avec nous autres. Hey, les policiers de Québec, les policiers de Québec. Il était fier de vous autres. Je te dis, il y avait des gars de Gatineau. Hey, vous autres à Québec, c'est une belle ville, puis tout ça. Puis je te le dis, la ville, elle rayonne, mon gars. Puis on est fiers de tout ça. Puis une petite anecdote en passant. On a pris une photo avec le chef de police de Montréal, M. Parent. Puis on lui a dit, on vous retardera pas trop, M. Parent. Il dit, les Canadiens gagnent à soir, ils allaient avoir de l'ouvrage dans les rues, ça va brasser. Ben, c'est sûr. Sébastien, il a dit, faites-vous en pas, il dit, ça brasse, il dit, on va aller vous aider, ils ont le contrôle de la ville, nous. Ben, c'est ça, puis c'est dans le fond, c'est pas la faute des gars sur le terrain, à Montréal. Les ordres qui viennent d'en haut qui font qu'il faut quasiment qu'ils laissent aller. Fait que là, M. Labon, on s'excuse, on a reparti une guerre à Québec-Montréal. C'est grâce à vous. Ben, c'est bon, les gars, c'est bon. Félicitations, puis bravo pour ce que vous avez fait. Pis, ben, merci beaucoup, M. Landry. Je trouve qu'on prend pas assez souvent la peine de saluer votre job. Souvent, tu sais, c'est dans le dossier Villanueva, tu sais, je veux dire, tu regardes les rapports, puis tu regardes le traitement médiatique. C'est ça, mais nous autres, ce qu'on trouve bizarre un peu, c'est que, tu sais, dernièrement, tu sais, quand un juge armait un individu, une peine qui est minime, puis cet individu-là va assassiner quelqu'un, ou ils ont pas de conditions. Tu sais, les erreurs, on en parle souvent, les erreurs conditionnelles, décider ça. La police, on est scruté tous les côtés, puis ça, c'est correct, parce que, regarde, on a une police saine, puis on a une police vraiment... On n'est pas à Cuba, là, puis on n'est pas... C'est pas un système dictatorial, puis les gens, les gens, ils doivent être fiers de tout ça. La police au Québec, là, c'est une démocratie, puis tu te fais pas prendre... Je suis allé en voyage au Mexique, là, puis on s'est fait arnaquer dans les toilettes. C'est pas même game, hein? Tu sais, fait que ici au Québec, on doit être fiers de tout ça, mais des fois, nous autres, les policiers, on aimerait ça, tu sais, que toute la pression qui est mise sur la police, ça soit mis à l'ensemble des d'être imputable, que les autres membres du système judiciaire soient un peu plus imputables de leurs décisions aussi. Hein. C'est ce qu'on est vraiment scruté. T'sais, la poursuite, comme Sébastien dit, là, on aurait dit que ça a duré 15 minutes, ça en a duré deux, puis on a pris des responsabilités énormes, énormes là-dedans, des enquêtes ministérielles. Là, l'enquête du coroner a démontré que on était blanchi de tout. Vous avez été blanchi. Ça, c'est un peu une bombe sur la plaie. En fin de compte, c'est le stress. Ma blonde a dit, tu vas-tu perdre ta job? C'est quand même, il y a eu mon stress pour l'entourage aussi, pour la famille. Puis c'est pour ça que là-dedans, là, l'état-major, là, je leur félicite encore. Puis l'aumônier, M. Roy, là, il était exceptionnel. Ça, les gars, ça a dû changer vos vies à jamais. Là. Ça a dû resserrer vos liens aussi entre vous deux. Vous patrouillez ensemble depuis quoi, 9 ans, vous me disiez tantôt? Ouais, ouais. Ça a dû resserrer vos liens aussi. Hein. Ouais, c'est comme mon frère, lui. Ah oui. je chicane plus avec lui qu'avec ma blonde. c'est pas de la TV, c'est pas des émissions de TV comme 19-2, c'est la vraie vie, vous autres, les gars. Là. Nous autres, c'est ça, on est proches. Puis c'est on passe 40 heures ensemble dans un endroit restreint, pareil, là, dans un char. Dans le char, puis les câbles, puis tout ça. Là. On est content, en plus, ce matin, que tu nous sois. C'est notre équipe qui travaille le matin, l'excellente équipe 3 de la Ville de Québec. Ah oui, bon, on les salue ce matin, faites une bonne job. On vous écoute, puis on vous aime bien à choix, puis c'est un plaisir d'être avec vous autres. Hey, merci, les boys. Merci. Vraiment, merci à tous les gens de Québec encore. La ville rayonne, c'est grâce à eux, puis on est fiers de porter ça pour les gens de Québec à Montréal. On était vraiment fiers de la ville de Québec. Alors, tournez patrouiller, allez surveiller les criminels. Salut. Salut, les gars. 8h39, on revient.